Vous avez bien travaillé? Bon. Ça va aller. La distribution, donc, un médicament, une question qu'on voit que vous devez poser, c'est qu'un médicament, une fois, les notions fondamentales qu'on a vues, que vous êtes censé ne jamais oublier, pour pouvoir répondre à vos questions. Répondre à vos questions, pas spécialement pour l'examen, mais répondre à d'autres questions qui vous seront demandées dans l'avenir. Pour des médicaments que vous n'êtes pas censé connaître. Est-ce que c'est un médicament qui est donné par une voie et quel est le type de traitement? Est-ce que c'est un traitement d'urgence, un traitement d'entretien, un traitement palliatif? Au vu de ces éléments, c'est de vous poser la question, quel type d'objectif vous recherchez? Est-ce que vous recherchez un traitement général ou un traitement local? Troisième question, vous devez vous dire quel type de biodisponibilité vous avez. Est-ce que vous avez une biodisponibilité absolue, relative ou irrégulière? D'accord? Autre élément auquel vous devez répondre, c'est la notion de réversible et d'irréversible. D'accord? Est-ce que vous avez une introduction réversible ou irréversible? On parle de voie différente entre l'introduction, d'accord, et la voie. Ce sont deux éléments qui sont distincts. La chose la plus simple à retenir, pour ne pas vous embrouiller, tout ce qui est parentéral, c'est-à-dire que des voies avec étraction, ce sont des voies qui sont irréversibles. Parce que vous avez mis le médicament à l'intérieur, vous ne pouvez plus le récupérer. On est bien d'accord. Que ce soit par voie sous-cutanée, par voie IM, par voie IV, par voie, vous ne pouvez plus récupérer le médicament et le secret. C'est une voie qui est. Quant à l'introduction, l'introduction c'est le geste en lui. Autre élément, vous êtes censé, c'est les mots-clés, si vous retenez ça, si vous avez retenu toute la première partie, c'est qu'un médicament, quand on choisit une voie, on la choisit en fonction du médicament. Et plus particulièrement, et de façon fondamentale, en tenant compte des propriétés physico-chimiques médicales. D'accord ? Vous devez retenir ça, qui va vous servir pour demain et demain et pendant des années. Quand vous prenez un prospectus d'un médicament, et que vous avez un médicament qui a plusieurs effets secondaires, très large, vous avez le droit de dire que c'est une molécule qui est liposomale. Pourquoi? Parce que c'est un médicament qui a la particularité de diffuser, de traverser les membranes, donc, et d'atteindre plusieurs sites, d'accord? Plusieurs sites, je ne dis pas sites primaires, plusieurs sites, plusieurs récepteurs, à ce moment-là, être responsable d'une réponse aussi primaire que secondaire. D'accord? Par contre, une molécule hydrosoluble n'a pas cette particularité de traverser les membranes, sauf par des mécanismes de transfert actif. C'est-à-dire qu'elle a besoin de transporteur. J'avais dit quand on parle de transporteur, pas d'affinité, pas de spécificité. La spécificité est liée à la réponse. Le médicament se lie sur un récepteur pour produire une réponse suite à cette liaison. Ça, c'est le récepteur. Par contre, un transporteur, c'est une affinité. Il le prend par de l'énergie, il le relâche quelque part, et c'est ce qu'on voit. D'accord ? Donc, c'est les grandes notions. Maintenant, ce qui est fondamental à retenir, c'est qu'un médicament qui est absorbé n'est pas totalement absorbé. Il est dit, pour certains, un médicament qui est dans le tube digestif est considéré comme étant en dehors de l'organisme. Il n'est pas dans l'organisme. Un médicament ou substance est dite dans l'organisme que si et seulement si elle est prise en charge par le sang. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de résorption. Pas d'absorption, merci. Résorption. C'est-à-dire qu'elle a traversé les membranes et qu'elle est prise en charge par une protéine plasmatique ou autre, ou la tissulaire, dit qu'elle est. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que la voie orale était réversible. C'est-à-dire que si on prenait des médicaments, on peut vomir, tous les médicaments, on ressort sans problème. D'accord ? Les effets de médicament est toujours en dehors de l'organisme, contrairement à la voie sous-cutanée, à IV ou IR, quand on injecte, il est dans l'organisme. On est d'accord sur ça ? Il faudrait tenir compte, j'ai dit des critères, le médicament, j'ai mis l'accent essentiellement sur les propriétés physico-chimiques, mais sur le malade, n'oubliez pas que le malade, vous ne pouvez pas lui donner n'importe quelle voie si vous ne tenez pas compte de sa pathologie, de son état et du terrain sous-jacent. Du terrain sous-jacent. Est-ce qu'il présente quoi des particularités qui font que cette voie est contre-indiquée? Parce qu'elle va aggraver encore sa pathologie. On est bien d'accord sur ça. À moins des grands mots-clés sur lesquels vous devez travailler concernant la première partie, c'est l'absorption, les voies d'absorption. La distribution. Maintenant, le médicament, on passe à la deuxième voie, le médicament traverse la membrane. Il est dans l'organisme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être distribué. Il est distribué dans tout l'organisme. Mais d'accord, la question, il y a essentiellement deux compartiments. Lesquels? Le compartiment plasmatique et tissulaire. Ça, c'est deuxièmement, la question, est-ce que cette distribution est homogène ou hétérogène? Est-ce que donc la distribution plasmatique est homogène et la distribution tissulaire est hétérogène? Ça, c'est... Maintenant, comment va se faire la distribution plasmatique? Eh bien, elle est rigide. On avait dit un mot concernant la filtration. Et je vous ai dit qu'on va revoir. Si vous vous rappelez de la filtration, le mot-clé, je vous avais dit que, généralement, le glomérule est une membrane qui était sélective. Donc, et cette sélection était commandée par quoi? Très bien, la taille du poids moléculaire. Et je vous ai dit que la majorité des médicaments étaient de bas poids moléculaire. Est-ce que tous les médicaments étaient filtrés? Non, on avait dit. Libre, très bien, seule la forme libre. Donc, dans le compartiment plasmatique, et bien vous verrez qu'il y a la forme libre et la forme liée à quoi? Aux protéines. Deuxième élément qu'on va voir, est-ce que n'importe quel médicament va se fixer sur n'importe quelle protéine? Non. Non, il y aura un problème d'affinité, de sélection. D'accord? Donc, en titre, après donc l'absorption, ou les voies d'absorption, la distribution. Je vous ai dit qu'il y a deux types de distribution. Il y a la distribution plasmatique et la distribution premièrement, en grand cas, distribution dans le compartiment sanguin. Sur la planche, ça c'est des grandes phrases. On va essayer de résumer ces éléments. Comment on va se comporter quand vous verrez souvent dans une question, dans une revue, dans un bouquin, on est souvent xénobiotique. Un xénobiotique, c'est une substance qui n'est pas considérée comme un élément dans l'organisme. Il n'a pas donc la même structure. C'est un élément qui n'est pas censé exister dans le corps. C'est un corps aussi étranger. En fait, une xénobiotique, un médicament, un poison, une bactérie est considérée comme des xénobiotiques. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas la fin de notre étude, vous allez vous encombrer et vous allez rien comprendre. J'ai dit donc, qu'est-ce que vous demandez censé obtenir ? C'est que une molécule, quand elle est dans le sang, elle va exister sous deux formes. Elle va se lier aux protéines. Donc, elle peut être liée ou liée. Cette liaison, il y a une condition sine qua non. Cette liaison, on dit, il y a une condition. Un médicament va se lier sur une protéine. Il faudrait qu'il soit. Il faudrait que sa finition soit. Il faudrait que la liaison soit réversible. Pourquoi? Parce qu'on sait d'abord, cette forme de liaison est une forme de réserve transitoire. Pourquoi on dit que c'est une forme de réserve transitoire? C'est tout simplement parce qu'elle permet de prolonger l'action. Pourquoi on dit ça? Eh bien, parce que seule, et on avait dit, seule la forme libre est diffusible. C'est la forme libre parce que la forme libre ne peut pas traverser des membranes. Et seule la forme libre est diffusible si cette forme a la particularité de traverser des membranes. Donc de ce fait, cette forme est très bien et active. Seule la forme libre est diffusible. Et seule la forme libre est active. Et on va dire tout simplement ce que j'ai dit. La liaison aux protéines va tout simplement diminuer l'effet immédiat, c'est-à-dire que ça va être une forme de réserve. Comme si vous avez, je le dis et je redis la même chose, c'est pas la peine de le risquer sur la forme, ça ne veut rien dire. Donc, lire votre premier. Alors, c'est pas la peine de noter ce que vous n'allez pas comprendre. Cette forme, comme si vous mettez, vous avez un médicament, vous le mettez dans un réservoir. Et le médicament dans le réservoir est considéré comme étant une forme libre. Par la suite, vous êtes à la maison, vous voulez demander de l'eau, vous voulez laver la vaisselle, vous ouvrez le robinet. En ouvrant le robinet, vous libérez le médicament, vous libérez l'eau. On libère de ce médicament, on libère la forme libre. C'est-à-dire que cette eau va être utilisée. C'est une forme active. Alors que celle qui est dans le réservoir restera toujours comme forme de réserve. Mais maintenant, la liaison aux protéines, on revient, est conditionnée par une affinité. Et l'affinité, c'est une liaison. Mais chaque médicament a une affinité particulière. Vous verrez, si vous ouvrez le bidal, eh ben, il y a des médicaments qui ont 98% de liaison aux protéines. 98% aux protéines. Ça signifie quoi? Non. Non, on va raisonner sur des chiffres. 90% liés aux protéines. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2% qui sont liés. C'est-à-dire que le reste n'a pas un effet immédiat. Vous n'avez que 2% de la dose que vous avez donnée qui a un effet. Vous pouvez avoir un effet, un pourcentage inverse. D'accord? Vous allez avoir, il y a des médicaments qui sont presque pas du tout liés aux protéines. Des biguanides, la metformine qui est un hypoglycémiant. Donc c'est un médicament de référence dans le diabète 2. Il n'est presque pas du tout lié aux protéines. C'est-à-dire que son effet est immédiat. C'est-à-dire que vous allez donner la dose est calculée en fonction de quoi? Ou la posologie. Je reviens aux notions que je vous ai déjà citées. La posologie. Pourquoi je dois donner en fonction de la dose du médicament, ça elle est fixe. Elle est de 100 mg, elle est de 1 million, elle est de... En fonction de cette dose, j'établis une posologie. Je donne une fois par jour, ou là je donne une fois, un comprimé, trois fois par jour. Je ne sais pas. Elle est donnée en fonction de quoi? Elle est calculée en fonction. Elle n'a pas été inventée. Elle a été calculée par rapport à quoi? Par rapport à la formule. C'est la forme libre qui est active. Si vous avez un médicament, maintenant, c'est plus de la pharmaco, c'est votre logique. Si un médicament a une forme libre très importante, très bien, la posologie, en fait, c'est-à-dire parce que tout ce que vous allez donner est à effet immédiat. D'accord? Et quand un médicament est faiblement, est fortement lié, donc il y a. On donne des posologies de telle sorte qu'il y a des petites libérations, mais là, il faudrait que la concentration libre soit très importante. Et vous allez noter, pas bien sûr, tableau, vous allez noter dans votre tête, que parfois, on part, quand on veut traiter dans l'urgence, on parle d'un bolus. Un bonus, c'est quoi? C'est de donner une dose, une forte dose. Pourquoi? Parce que le médicament, quand il est dans l'organisme, la fraction libre est petite. Si je dois donner une unité, d'accord? Si je dois donner un médicament, on va faire un petit calcul élémentaire, si je dois donner un médicament à 100 mg, 2% de 100 mg, je fais 2 mg. J'arrondis. Enfin, c'est 2 mg tout simplement. Mais si je dois attendre, moi si j'ai besoin de 7 à 8 mg, qu'est-ce que je fais? Très bien, je donne des doses de charge pour arriver rapidement à mes 8 mg. Je donne la dose de charge, ce qu'on appelle un bolus, pour avoir 8 mg, quantité suffisante pour avoir un effet immédiat. En bas, je reviens, parfois, soit c'est par voie orale, parfois, soit par voie intraveineuse, dans le bolus, pour avoir un effet immédiat, et puis par la suite, je reviens. C'est comme ça qu'on établit, qu'on calcule, on établit la problématique entre la forme liée et la forme libre. D'accord? Le problème se pose, et on va en discuter également, c'est quand un médicament, on avait dit, il se lie. Il va se lier. Vous avez des médicaments qui peuvent se lier avec des protéines, mais on avait dit qu'il y avait une affinité. Pourquoi le médicament A irait sur la protéine X, pourquoi la molécule B irait sur la molécule de la protéine Z? Le pourquoi? Qu'est-ce qui va? C'est pas la charge. Les groupements, merci. Et les groupements définissent, c'est des propriétés physico-chimiques. Et c'est les groupements, merci. Et les groupements définissent quoi? Merci beaucoup. Merci. Vas-y, on revient à l'absorption. C'est parce que c'est des liaisons. C'est les groupements, c'est des groupements donneurs et des groupements attracteurs pour faire des liaisons. Et c'est, à ce moment-là, c'est l'acidité ou la basicité. Vous allez voir, on va dire que les molécules à caractère acide ne se fixent uniquement que sur la lumière. C'est pas ailleurs. Alors que les médicaments à caractère basique sur les lipo ou les glycoprotéines. Donc déjà, avec le caractère défini. Mais le problème maintenant, on a parlé de forme libre, de propriétés physico-chimiques, mais on parle également d'un autre élément. L'élément, c'est que si vous avez des médicaments, généralement par voie orale, on ne donne pas qu'un seul médicament. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Très bien. Les interactions. Et le problème des interactions va apparaître à quel moment? Avec quel type de molécule? Avec quel type de molécule? C'est pas de la pharmaco, je demande de rester logique. Avec. Vous avez deux molécules A et une molécule B. La molécule A et B peuvent rentrer en compétition que si. Très bien. Si d'abord ils ont une affinité pour la même protéine, c'est-à-dire qu'ils sont soit acides, soit basiques. Si vous avez un médicament acide et l'autre basique, chacun a son taxi. Donc il n'y a pas de problème de compétition, il n'y a pas de problème d'interaction. On est bien d'accord. Mais, deuxième condition, vous pouvez avoir des médicaments à caractère acide, mais ils peuvent ne pas avoir une interaction. Ou là, ils peuvent avoir une interaction. Dans quel cas figure? C'est pas de l'utilisation parce que dans le pH, sanguin est neutre. 7,14. Il n'y a pas de limitation. Qu'est-ce qui va conditionner? Une molécule A acide, molécule B acide, ils ont le même taxi, c'est la lumine. Est-ce qu'il y a une interaction obligatoire? La protéine dispose de ses propres sites de fixation. On va marcher de faire des secondes. Le nombre de quoi? Non. Non. Là, ça devient un problème pathologique. On devient un problème pathologique. On reste dans la physiologie. Ah, concentration de quoi? Non. Oui. Pardon? La solubilité n'intervient pas à ce niveau-là. Merci. Les sites de fixation sont conditionnés par quoi? Conditionnés par quoi? Et l'affinité est conditionnée par quoi? Par la vitesse. Et tout ça, on le rend plus. pourcentage. C'est un pourcentage. C'est un pourcentage. Si vous avez la molécule A et B, toutes les deux ont une forte affinité. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les deux, on regarde à 80% ou à 98%. Est-ce qu'il va y avoir une interaction ou non? Non. Ah oui. C'est oui ou ah oui. Vous avez deux. Et deux compétitions, puisque les deux ont une forte affinité. Alors, nous avons pour ce nombre de sites. Et constant, il y a 2, 4, 6, 8, 10 sièges. Et bien, celui qui aura plus d'affinité prendra plus de sièges. On ne m'utilise pas dans le même temps. D'accord? Parce qu'ils ont, ce sont des molécules acides, et ça, c'est de la lumière. Il va y avoir. Mais si vous prenez deux médicaments, Wada a 78% et l'autre à 10%, bien sûr. Elle est très faible. Pas du tout, mais elle tend vers zéro. C'est-à-dire que l'affinité, plus l'affinité est grande, plus le risque d'interaction. C'est important. On est bien d'accord ou pas? Si vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez. Est-ce qu'on est bien d'accord? Vous notez s'il vous plaît. Après sa résorption, une molécule, et je dis bien, molécule, qu'on se mette d'accord, molécule, cela signifie principe actif et excipient. Tous les deux peuvent se fixer sur le protéine. La seule particularité, c'est que l'excipient ne va pas se fixer sur le récepteur. Je le répète parce que j'ai vu des anecdotes. J'entends des questions. Je parle molécule, c'est les deux. Si je veux spécifier, je parle principe actif. Je peux dire excipient. Là, quand je parle molécule, ça veut dire aussi bien l'une que l'autre. Donc, après sa résorption, une molécule peut se fixer sur des protéines plasmatiques, en donnant deux formes, libres et liées. La forme libre et la forme liée. La liaison aux protéines. La liaison aux protéines tend à diminuer l'effet immédiat. Les critères de fixation, aux protéines sont de point. Elle est réversible. Elle est réversible. On est bien d'accord ? Le pourquoi ? Elle est réversible, car elle maintient un gradient de concentration. Cette liaison est fonction de l'affinité. Les molécules. Vous êtes perdu? Non? C'est bon? Donc, j'ai dit, il y a deux critères. Premier critère, réversible. Deuxième critère, affinité. Vous pouvez suivre. J'explique maintenant cette affinité. Les molécules à caractère acide se fixent uniquement sur l'albumine. On souligne albumine. On souligne acide, albumine. Molécules à caractère acide se fixent uniquement sur l'albumine. Quant aux molécules basiques, donc la fixation se fera sur les lipo et les alpha-1-lipoprotéines. Médicaments, donc l'affinité, en d'autres termes, est régie et commandée par une propriété physico-chimique du médicament ou de la molécule. D'accord ? Si la molécule a un caractère acide, c'est l'albumine. Si la molécule a un caractère basique, c'est le lipo et alpha-1-lipoprotéine. On est bien d'accord ? Je dis ce que j'étais en train d'expliquer, tout simplement. Les conséquences de cette distribution, basmatique que va nous apprendre la distribution basmatique des médicaments. À quoi va me servir demain si je sais que ce médicament est distribué comme ça, ou comme ça, ou s'il a un caractère, quel type de caractère? Ça va m'emmener à quoi? Donc, les conséquences de la distribution plasmatique, c'est de déterminer la forme de réserve. Puisque la liaison, parce que j'ai mis un mot, j'ai mis transitoire. Pourquoi? Très bien, c'est systématiquement parce que la liaison est réversible. Donc elle peut être que elle est liée, mais transitoirement, pendant un temps. Pourquoi? Si la liaison est irréversible, le mot transitoire serait faux. Bien d'accord. Donc nous permet donc de déterminer la forme de réserve transitoire, permet de calculer le gradient de concentration, permet donc de déterminer, je vais vous donner un exemple au tableau tout de suite, le calcul d'un gradient de concentration et permet d'expliquer la notion, de surcharge. Je ne parle pas de surdosage. Permet d'expliquer la notion de surcharge, soit lors d'interaction, ou en présence, d'un terrain sous-jacent. Tel la grossesse, l'insuffisance rénale hépatique. L'insuffisance rénale hépatique. Je reprends, s'il vous plaît. La distribution plasmatique nous permet de comprendre un élément fondamental, c'est que chaque médicament a une affinité, c'est-à-dire qu'il peut exister sous forme libre ou sous forme liée. Mais il y a toutefois des médicaments qui sont en majorité, pour ne pas dire en totalité, libres. Pourquoi, comme disait votre camarade tout à l'heure, il n'y a pas un groupement de liaison. Et il n'y a pas de groupement donneur, et de ce fait, il n'y a pas de liaison. Et donc tout le médicament va exister sous forme libre. D'accord ? L'inverse est faux. Je ne peux pas donner un médicament qui est totalement lié. Pourquoi ? Si j'ai un médicament qui est totalement lié, il ne peut pas me maintenir un gradient de concentration. D'accord ? C'est quoi un gradient de concentration ? On va faire un peu de mathématiques élémentaires. D'accord ? Si je donne sans unité un médicament, lors de la première prise, que mon médicament est à 75% de liaison. Suite à mon administration, je vais avoir quoi ? D'accord ? J'ai oublié de vous dire que parfois, si vous surfez sur Internet, si vous lisez des revues, les histoires liées et libres, vous trouverez souvent équivalent B sur F. Ou l'inverse, B c'est binding, F c'est free. C'est le libre, c'est en anglais, vous ne trouverez jamais en français. Il met souvent B, F, et même dans le truc, il vaut binding. C'est la forme liée ou B égale A. Voilà. Maintenant, si je donne, en fin de compte, ma forme libre, elle est de combien ? 25 unités. Supposons que je donnais 20 unités. J'ai 25 unités et j'ai 75 unités qui sont libres. D'accord ? Après la deuxième administration, plus 2, deuxième, je vais avoir combien ? Non. Après ma deuxième administration, j'ai donné 100. 100. Mais j'ai pas. Puisque la forme libre est diffusible, c'est qu'elle est annulée dans le compartiment. Donc je vais avoir 175. D'accord ? Et je vais recalculer, c'est ça le gradient, je vais avoir 75% de quoi ? 75% pas de mes 75. Pas de mes 100. Mais parce que j'ai donné, je me retrouve avec 175 dans ma deuxième prise. Et à ce moment-là, je dois avoir 75%, je fais un calcul, sur mes 175. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ma forme libre va... Non, elle va... Elle va augmenter. D'accord ? Puisque au départ, j'avais soit 25% de 100. C'est le quart. Mais maintenant, je vais avoir le quart de 175. Ça fait combien à peu près ? Allez, je vais passer. Suite à la première administration, elle était de 25 unités diffusibles. Après la deuxième administration, elle est passée à 44 unités. Donc elle maintient un gradient, tout en sachant que ma forme de réserve a augmenté. Et c'est pour cela que quand on vous donne des médicaments, vous verrez souvent je vous donne aujourd'hui, c'est pas la peine de le noter, gardez-le comme image. Tout simplement, quand on fait une cinétique d'un médicament, quand on voit l'évolution d'un médicament, elle a quelle forme ? Il n'y a rien au départ. Pourquoi ? Non. Il n'y a rien. On parle d'activité. En fonction de la dose. De la dose journalière. Pardon ? Faible activité. Faible activité qui est due à quoi ? Je parle de la dose est faible. La forme est libre. N'a pas atteint l'effet maximal. Vous aurez, même si elle se fixe, même si elle se fixe sur les récepteurs, la quantité est-elle suffisante pour provoquer une réponse d'orbitine? Et par la suite, on commence à avoir un effet maximum. Donc on a un effet jusqu'à l'effet maximum. Mais c'est ce qu'on appelle une sigmoïde. Oubliez ce schéma, on va le revoir, on en parlera dans une réponse. Quand on parlera des récepteurs, c'est pour vous donner tout simplement ce schéma qui est valable à toute réponse, aussi bien primaire que secondaire. Si vous vous rappelez le premier cours qu'on a fait ensemble, je vous ai dit que quand vous prenez du paracétamol, on a tous pris, on a suivi, avec le vidage, il y a des effets secondaires qui sont cités. Mais pourquoi ils n'apparaissent pas chez vous, chez moi? Et pourquoi ils apparaissent? C'est parce que la quantité de médicaments n'est pas suffisante au niveau des récepteurs secondaires pour provoquer une réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de système de compensation. Il n'y a pas de système de compensation qui fait que l'effet secondaire va apparaître aux dépens de l'effet primaire. D'accord? On a un débordement parce que l'organisme n'élimine pas, ne corrige pas, il peut apparaître chez certaines personnes et pas chez d'autres parce qu'il n'y a pas la balance. D'accord? Il n'y a pas la balance. Et là, c'est le problème. C'est la même chose quand on donne des petits doses. Je vous ai dit la première fois, c'est 25 unités, mais ces 25 unités sont insuffisantes pour atteindre un effet qui est cliniquement perceptible. Il se fixe sur des récepteurs, d'accord? Mais ce n'est pas suffisant. Donc, quand la quantité en forme libre va inonder, en supposant, en schématisant, pour avoir une réponse, il faudrait que tous ces sièges soient remplis. Si les premières posologies, il n'y a que ces deux sièges, il n'y a que deux molécules, est-ce que l'effet va apparaître? Non. Il faudrait que nous valions 3, nous valions jusqu'au moment où il y a les sièges sont saturés et que l'effet va commencer à apparaître. On a crescendo progressivement. Bon, on va saturer le maximum, on va stimuler le maximum de récepteurs pour produire un effet max. Et c'est ce qu'on appelle le Cmax, la concentration maximale. Et c'est pour ça que souvent, pour certains médicaments, on dose dans le sang et on voit est-ce que la concentration, c'est pour ça le schéma, on va en parler plus tellement, est-ce que la concentration qui est dans le sang est à atteindre la concentration maximale par rapport à la dose que vous avez donnée. Si la posologie est mal adaptée, ben vous allez voir une concentration qui est basse. Et donc, il ne faut pas vous attendre à ce que vous ayez un effet primaire. Parfois, vous allez avoir, dans certains cas, je ne vais pas vous embêter parce que c'est toute une discussion, c'est un cours à part, que parfois la concentration de Cmax est dans les normes, mais vous allez avoir, c'est des sujets, des effets secondaires exagérés. Or, vous avez donné la bonne dose, d'accord? Mais vous avez des effets secondaires exagérés. Pourquoi? Je reviens à la troisième notion que vous avez notée sur votre carte. Non, c'est la notion de surcharge. C'est quoi la surcharge? C'est pas un surdosage. Non. C'est quoi la surcharge? Très bien. Très bien, c'est la forme libre. C'est la forme libre qui a augmenté. Ce n'est pas la dose que vous avez donnée. Vous avez donné une dose suffisante. Sauf qu'il y a eu des problèmes de telle sorte que la forme libre a augmenté. Et puisqu'on dit que seule la forme libre est diffusible et seule la forme libre est active, c'est ce débordement de forme libre, d'accord, comme si. Je vous donne souvent des images pour calquer le cours. Quand on a, de moins en moins, mais dans les maisons, il y a des années, des réservoirs. Ah, j'ai donné. Oui. D'accord. Ah, c'est d'accord. Ah, donc ici. Automatiquement, dans le réservoir, si vous avez fait attention, il y a ce qu'on appelle un ballon. On appelle le complet. Qui en règle avec une main chiche? Qu'est-ce qui se passe? Il fait. Très bien, il fait. Il y a un soldat, il y a un balcon, il y a la terrasse. Là, c'est la même chose. S'il y a un problème, j'ai cité le problème d'interaction. Le problème d'interaction, c'est quoi? Vous avez donné deux médicaments. J'ai dit que ce sont tout à l'heure, je reprends, et on va en parler quand on fera le groupe des interactions. C'est pour vous donner. Si vous avez deux médicaments à caractère acide, et sur la demi, pas logique. Mais si le premier a 75% de liaison et l'autre a 15% de liaison, est-ce qu'il y a une interaction ? Non. Il ne peut pas y avoir d'interaction parce qu'il y a des sièges suffisants. Pas si vous voyez les suffixes, tu prends le cas à faire ou il suffixe le deuxième. D'accord ? Mais en supposant que le premier a 75% et l'autre a 95%, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ? Il y a une interaction, merci, c'est le même. Suivant, il y a une interaction. Celui qui a le plus forte affinité, J. Ah. Il la balance. Elle qui était fixée va se trouver sous forme libre. Donc la fraction libre va se fixer à sa place. D'accord ? Et la forme libre va augmenter et de ce fait, il y a une surcharge. La notion de surcharge, ce n'est pas augmentation de la dose, parce que quand on la dose est augmentée, on parle de surdosage. C'est différent. La surcharge, c'est que la dose administrée, le terme que vous adorez tous, normal. D'accord ? C'est que la concentration en forme libre, c'est pas la forme libre, c'est la concentration en forme. J'ai donné l'exemple des interactions. On revient chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte, parce qu'on verra, un cours à part, médicaments et grossesse. Pourquoi il y a un risque de surcharge ? C'est l'effet des hormones. Où est-ce qu'il y a des hormones ? Les hormones vont faire quoi ? Se fixer sur les protéines. Et de ce fait, qu'est-ce qui se passe ? La forme libre de Dieu. Pourquoi ? Terminez votre raisonnement. Pourquoi les hormones vont déplacer ? Pourquoi la forme libre va augmenter ? On n'a pas beaucoup de protéines libres. Mais pourquoi ? Il n'y a pas de forme libre. Même si elles ne sont pas occupées. Même si ce n'est pas occupé. Même si les hormones vont venir après. Elles vont déplacer le médicament. C'est l'inverse. Parce que les hormones, l'affinité, les hormones vont reconnaître plus facilement une molécule endogène, une xénobiotique, une molécule exogène. L'affinité a été faite de telle sorte que les protéines vont reconnaître mon état. C'est les hormones. Et de ce fait, dès qu'il y a des hormones, elles vont déplacer automatiquement les médicaments. C'est pour cela que généralement, chez la femme enceinte, pour éviter les causologies, doivent être basses. Pour éviter. Chez l'insuffisance rénale ou hépatique, qu'est-ce qui se passe ? Chose que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas dans ce cas, c'est dans le cas pathologique. De nombre, quand vous êtes en face d'une dysprotéinémie, le médicament vient, il ne trouve pas de taxi. Il ne trouve pas de site de fixation. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est comme les enfants. Quand il n'y a pas de papa, tout le monde est dehors. C'est ça ? Et il n'y a pas de protéines, tout le monde est dehors. Tout le monde est sous forme libre. On est bien d'accord ? C'est ce qu'on appelle la notion de surcharge, de l'augmentation de la concentration. Donc tout ça, c'est des notions que vous êtes censés maîtriser quand on fait des posologies, d'accord ? Ou là, quand on veut expliquer certains. Parce que la surcharge entraîne quoi ? Les effets secondaires. Très bien. Elle n'augmente pas l'effet primaire. Elle augmente les effets secondaires. La surcharge provoque plus d'effets secondaires que d'effets primaires. Surdosage d'envie. Non, au moins les effets secondaires. Mais l'origine est différente. L'origine, c'est que vous avez donné l'exemple tout à l'heure, quand j'ai dit, c'est la même notion. J'ai 100 unités à 75, j'ai 27 unités sous forme libre. D'accord ? avoir un déplacement. D'accord ? J'ai une molécule qui va me déplacer la même quantité. Et je suis passé de 25, je suis passé à 50. Mais la dose est la même. Mais dans ce cas, si au lieu de donner 100 unités, on s'est trompé, on a donné le double de la dose. J'ai donné 200 unités. Je vais avoir combien en concentration formulée ? 25% de bien formulé. 50. Là, c'est un surdosage. Vous avez autant en forme libre, mais l'origine, là, la dose est normale. Là, vous avez doublé la dose. Là, c'est un surdosage qui est responsable d'une augmentation de la forme libre, qui est responsable d'effets secondaires. Là, la dose est normale. C'est un déplacement, c'est une interaction qui a fait qu'on a déplacé la même quantité. J'ai un médicament, au lieu d'avoir 25, ça n'a que 25, le cas. Mais on est passé de 25 à 50. C'est-à-dire que ma concentration en forme libre a doublé. Et de ce fait, on parlera de surcharge. Est-ce que c'est clair ou pas? Vous n'êtes pas d'accord, vous m'arrêtez? Oui. Vous n'avez pas compris? Dans le premier cas, j'ai dit que c'est une interaction. Là, c'est une interaction. Le médicament, quand il est donné seul, il a une affinité, il est conditionné, donc il n'a que 27%. C'est-à-dire que j'inverse le raisonnement, il occupe 75% de type de liaison. C'est-à-dire qu'il a 27 qui sont libres. Là, quand il est seul. Supposons qu'il y ait une interaction. Il y a 95 à 90% de la liaison protéine. Le malade a pris par autorisation de l'affinité. Qu'est-ce qui se passe? La stimulation est en plus d'affinité. Il va déplacer une partie qui est fixée. S'il y a eu surcharge, d'accord ? c'est que votre malade présente un terrain sous-jacent. D'accord ? Troisième possibilité, si vous avez une augmentation de la concentration en formule, qui est valable, c'est un sur. À moins de trois pour vous. On est bien d'accord ? Deuxième, après le compartiment sanguin, on a le compartiment tissulaire. En deux, distribution dans le compartiment tissulaire. Qu'est-ce qu'on peut dire grossièrement, contrairement à la distribution dans le compartiment plasmatique ? Très bien. Elle est homogène, compartiment plasmatique, et elle est hétérogène. Avant de noter, je résume tout simplement, je vais vous modifier. Là, on a parlé de homogène, hétérogène. Wahda, elle dépend des propriétés également physico-chimiques. On a dit, c'est. Quelle est la propriété ? Acide ou basique. Votre camarade tout à l'heure a répondu en disant que la solubilité. La dernière part dans le compartiment sanguin ou plasmatique, mais elle intervient dans le compartiment tissulaire. Elle dépend des propriétés physico-chimiques. Quelle est la molécule qui diffuse mieux ? La molécule lipo-soluble. Et on dit que la molécule lipo-soluble a un large spectre de diffusion, pas un spectre d'action, spectre de diffusion. Et c'est pour cela que les molécules liposolubles sont plus responsables des effets secondaires, parce qu'on les trouve un peu partout par rapport aux molécules hydrosolubles, où l'effet secondaire est focalisé, il est bien déterminé. Il dépend du débit de perfusion. Vous avez été décrit, débit de perfusion, c'est ce qui rend la distribution hétérogène. Parce qu'il y a deux compartiments, les tissus sont divisés très émigrés, les organes nobles, on avait dit des médicaments qu'on appelle toxiques. Pourquoi ? Parce qu'ils présentent des effets secondaires sur les organes nobles. Là, c'est cœur, poumon, etc. Il y a des compartiments moyennement émigrés, pour plus, vous verrez des effets secondaires mais minimes, et vous verrez des peu émigrés, tels que l'os. Et les cartilages où les effets secondaires sont presque en vers zéro, d'accord ? Parce que souvent, ce sont des tissus qui sont climat, le tissu adipeux, il n'est pas très peu. Mais on considère que c'est un tissu qui est. Non. Ah. Il est très peu vascularisé. Il a un autre problème, il a un autre caractère. Le tissu adipeux. La perfusion est difficile, oui. Le tissu de votre camarade, c'est la A. A vascularisé. Hein ? Non. Mais ça. C'est un tissu de réserve, stockage. Réserve. Il ne dispose pas de récepteur. Il n'y a pas de récepteur. C'est un tissu qui est inhibitoire. Il n'y a pas de récepteur. Et même quel que soit. Le stockage qui peut se faire au niveau de ce type de tissu, vous ne verrez jamais une réponse. D'accord ? Contrairement au tissu irrigué, où il y a non seulement une vascularisation importante, mais également beaucoup de récepteurs, et c'est pour cela qu'ils sont réponses dépendantes, ou doses également dépendantes. Donc vous notez s'il vous plaît. Donc cette distribution est hétérogène. Distribution hétérogène, elle dépend des propriétés physico-chimiques des molécules, et quand je dis molécules, j'insiste, aussi bien excipient que principe actif. Dépend des propriétés physico-chimiques des molécules, et on met entre parenthèses quoi ? Solubilité. Solubilité. et dépend du débit de perfusion. Débit de perfusion de l'organe. Débit de perfusion de l'organe. On distingue trois compartiments, et vous les notez, ils sont sur le tableau. On distingue trois compartiments plus irrigués, moyennement irrigués et très peu irrigués. On distingue trois compartiments liposoluble et sous forme non ionisée. Si elle se dissocie, Elle n'a pas pu fuser. D'accord. On a parlé de solubilité et on a parlé d'une bonne irrigation. On avait dit que plus on retrouve plus facilement une molécule dans le cerveau qu'au niveau de l'ombre. D'accord ? On retrouvera plus un médicament dans le foie que dans l'os, etc. Ça, c'est un problème d'irrigation. Le sang arrive plus rapidement, d'accord ? Le turnover est plus important et de ce fait, il amènera une plus grande quantité du médicament à ce niveau-là. Donc la bonne distribution, les mots-clés, c'est une faible liaison, c'est-à-dire il faut qu'il soit fort libre, non ionisé, d'accord ? Et qu'il y ait une affinité similaire, souvent vis-à-vis des protéines. Là, si on parle du tissu lui-même, c'est ça, solubilité, qu'il soit hydro ou lipo-solide. Vous avez vu le A, ou grand A distribution plasmatique, grand 2 distribution tissulaire, grand 3 distribution particulière. Distribution particulière. Je mets ce chapitre un peu à part pour vous montrer parfois que ce qu'on dit est vrai, mais parfois ce n'est pas toujours vrai. Il y a des exceptions. D'accord ? Là, vous allez voir, vous notez pas si vous faites ça sur la planche, vous suivez. D'accord ? Il y a un problème qu'on voit, qu'on rencontre. Et je vais définir aujourd'hui une première notion, c'est ce qu'on appelle le temps de demi, T1/2. Le temps de demi. C'est quoi le temps de demi? Vous oubliez, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir ce qu'il y a sur la planche. Le temps de demi-vie, quand on établit également, quand on calcule les posologies chez un malade, on tient compte de la forme libre, mais du temps de demi-vie, c'est ce qui nécessite les administrations. Généralement, la cinétique des médicaments, c'est ça. Il y a une phase d'absorption, de distribution, on atteint le Cmax, on passe à la suite, le médicament est dégradé, c'est la métabolisation et l'élimination. D'accord ? La cinétique des médicaments, c'est une cloche. Il y a deux phases. Il y a une phase d'absorption, de distribution, d'accord ? On parle d'élimination. Il se dégrade dans le foie et il est éliminé. Le temps de demi-vie est calculé. Quand on veut, on divise, c'est le temps nécessaire pour que la moitié du médicament administré est éliminé. Et généralement, quand on veut calculer l'efficacité d'un médicament, quand on veut calculer son efficacité, on est obligé, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait le schéma, on n'a rien du tout, on bave. Là, c'est une cinétique. Tout à l'heure, je parlais dose-activité. C'est-à-dire qu'un médicament, bien, il atteint son maxima, mais le maxima ne va pas descendre. Pourquoi ? Parce que là, on cherche à avoir un Cmax stable. C'est ça l'intérêt. Vous arrêtez d'écrire parce que je vois que les gens décident sans rien comprendre et ça ne sert à rien. Je ne vais pas répéter le deuxième point. Il y a un Cmax. Donc, l'intérêt d'un thérapeute, pour établir des posologies, il faudrait que ce Cmax, cette concentration efficace, reste dans le sang stable. Il suffit parfois, quand on donne un traitement, que le malade, c'est pour ça que je vous ai dit dans les cours, il faut respecter les heures de prise. Parfois, quand on ne respecte pas les heures de prise, il y a un creux qui se fait. Et parfois, pendant ce creux, il va peut apparaître une crise. Si vous avez constaté, on en parlera dans un cours prochain, que souvent les crises d'asthme, les crises d'angor, d'accord, apparaissent quand? Apparaissent quand la journée? La nuit. Parce que la chronobiologie est différente. La journée et le soir. Généralement, l'activité le soir diminue de telle sorte que si le malade n'est pas équilibré, la concentration de ses max descend et le malade, les effets thérapeutiques diminuent et à ce moment-là, la clinique va émerger. C'est-à-dire, on a des crises d'asthme, des crises d'épilepsie, des crises d'angor, etc. Toutes ces pathologies chroniques. L'intérêt, c'est de maintenir. Pour maintenir, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la posologie, et bien on fait la deuxième crise. C'est toujours ça. De telle sorte qu'on a calculé qu'il n'y ait plus ce creux. J, à un certain moment, où on a changé, on va savoir. On va aller là. De telle sorte que la phase descendante de la prise de la veille et la phase ascendante de la prise d'aujourd'hui se confondent. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus de creux, on trouve ce qu'on appelle un plateau. Et le plateau est appelé un état d'équilibre, on appelle le steady state. C'est l'état d'équilibre en thérapeutique. Il est calculé comment? En fonction du temps d'ordre de vie, on dit que un jour, pour permettre d'évaluer votre thérapeutique, il faut attendre 5 à 7 ans de vie. Il faut attendre 5 à 7 ans de vie pour juger de l'efficacité d'un traitement. Vous n'avez pas le droit de donner un traitement. Et 48 heures après, vous dites, ah, il n'est pas bon, je vais augmenter les doses. Vous risquez d'avoir des échecs thérapeutiques. Il faudrait d'abord voir le temps de demi-vie de ce médicament. Si le temps de demi-vie est court, la durée de la réponse thérapeutique également est rapide. Quand vous prenez de l'aspirine, son temps de demi-vie est très court, il est de 20 minutes à 30 minutes. Quand on multiplie par 7, à tout casser, on va envoyer des 15 minutes, par 7, on multiplie par 5. Le maximum, 7 fois 20, c'est 140 minutes. C'est-à-dire à peine 2 heures. 2 heures après, vous pouvez dire que, est-ce que mon malade a répondu à mon traitement ou pas. Si vous prenez un médicament qui a un temps de demi-vie de 100 heures, 7 fois 100, c'est 700 heures. 700 heures, c'est à peu près 27 jours. Il faut attendre 27 jours pour juger de l'efficacité du traitement. Vous avez compris cette notion de temps de demi-vie. D'accord ? On ne peut pas juger de l'efficacité thérapeutique que si on n'atteint pas un délai suffisant en tenant compte du temps de demi-vie et une règle d'or dit qu'il faut attendre entre 5 et 7 fois de demi-vie. Au maximum, au minimum 5, au maximum 7. Si vous avez dépassé 7 fois de demi-vie et que vous n'avez pas de réponse, c'est que vous êtes à côté de vos portes. C'est réduit. Le médicament que vous avez choisi est nul et non annulé. Est-ce que c'est clair? Bon, en conclusion, il y a une relation étroite entre le temps de demi-vie et l'activité d'un médicament. C'est ça la règle. On est bien d'accord si vous avez compris cette notion d'ordre de base. Quand on prend le turpentin fugitif, le turpentin a un temps de demi-vie de 100 heures, c'est-à-dire que vous êtes censé d'arrêter d'écrire, d'accord ? Il est censé, il faut attendre un délai suffisant pour avoir l'efficacité. Or, au moins, son activité ne dure que 15 minutes. Ah non, mais c'est le turpentin est un barbiturique. C'est un barbiturique qu'on utilise soit pour les anesthésies de courte pour la chirurgie. De courte durée, d'accord. Soit qu'on fasse carrément, d'accord, en pré-anesthésion. Avant d'utiliser les gaz, on utilise, quand le malade est trop stressé, on injecte le troupeau. Le troupeau, c'est plus d'apparato, c'est d'apparato. Le troupeau est appelé le sérum de vérité. C'est un médicament qui a été inventé par les Allemands pour faire parler les esprits. On leur injecte et on leur pose des questions. Automatiquement, ils répondent sans savoir. Ce qu'on appelle le sérum de vérité. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Il faut faire attention si un malade souvent, je ne sais pas si vous êtes parti voir un malade qui a fait une intervention, et quand il se réveille, pourtant dans le réveil, certains malades se réveillent mal par rapport à d'autres. Il y a des malades qui se réveillent un peu euphoriques, voilà, mais il y a des malades qui se réveillent avec en disant toute la vérité, rien que la vérité, d'accord, je touche sur la lettre là, à la tête. Elle trouve une occasion, vous voyez qu'elle est là, je vais mettre tout le c'est le subconscient qui se révèle, sauf que c'est un médicament qui est très efficace dans le cadre de la chirurgie. Pourquoi ? Il a un temps de demi-vie de 15 minutes. C'est un médicament qui agit quand c'est un anesthésiant. Il agit à quel niveau ? Système nerveux central. Donc ce médicament, une fois qu'il est administré, va se distribuer à quel niveau ? Le plus irrigué, le tissu nord, il va aller au niveau du cerveau. Il va trouver quoi ? Très bien, il va trouver l'un des récepteurs. Il va provoquer un effet anesthésiant. Le malade va s'endormir. On est bien d'accord ? Mais son affinité n'est pas là. Il va aller où ? Il va ailleurs, il va aller au niveau des tissus adipeux, parce qu'il est chaud, il est très liposoluble. Il ne va pas rester, il va quitter le cerveau pour aller au niveau du tissu adipeux. Là, son temps de demi-vie est de 100 heures, il est lent. Alors qu'au niveau du cerveau, il est rapide parce qu'il est distribué tout simplement de par le débit de perfusion. Il est emmené quelque part, il trouve ses récepteurs. Il agit, il y a un effet anesthésiant, et dès qu'il commence à quitter le cerveau, il y a ce qu'on appelle la levée d'anesthésie. Le malade se réveille. C'est pour cela que son effet ne dure que 15 minutes pour aller se stocker au niveau du tissu adipeux, parce que c'est une molécule qui est très liposoluble. Sauf qu'au niveau du tissu adipeux, il va rester souvent stocké, puisque le tissu adipeux ne dispose pas de cerveau. Quand on voit qu'un médicament a un temps de demi-vie long, très long, et que la durée de l'activité est courte, vous avez le droit de dire que c'est un médicament qui est redistribué. Il a été distribué une fois au niveau d'un site de par un débit de perfusion, et il a quitté le premier site pour se distribuer une deuxième fois, on parlera de dans un site ailleurs de par une autre propriété, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de redistribution. Le phénomène de redistribution n'est perceptible que ce que vous avez, lorsque vous aurez à voir une molécule qui a un temps de demi-vie long et une durée d'activité courte. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Hein ? Oui. J'ai pas mis des chiffres de conscience en général, mais moi j'ai une particularité. La particularité, c'est la première, il y a des particularités. Ça, c'est une particularité où le temps, mon camarade pose la question, monsieur, le temps de demi-vie est établi, les posologies, le traitement est établi en fonction du temps de demi-vie. Oui, ça c'est une règle générale. Mais il y a des particularités, et les particularités, quand on trouve Aujourd'hui, on parle d'un temps de demi-vie long et une activité courte. Vous verrez dans un cours prochain, c'est l'inverse. Vous aurez un médicament qui aura un temps de demi-vie court, c'est notre particularité, mais une activité qui dure plus longtemps. C'est des particularités. Mais on les explique. On a expliqué aujourd'hui que c'est chaque fois, quand on voit cette disproportion, c'est que le médicament est re. Il ne reste pas au niveau du site où il y a des récepteurs, il va ailleurs, où il est stocké sous forme inerte, ou là dans un organe, dans un tissu qui est dépourvu de récepteurs, où il n'y a pas de récepteurs spécifiques. Thiopentane, molécule anesthésiante. Possède un temps de demi-vie de 100 heures. Possède un temps de demi-vie de 100 heures. Et une durée d'activité de 15 minutes. Quand je dis activité, je sous-entends un effet anesthésiant. Donc possède un temps de demi-vie de 100 heures et une durée d'activité de 15 minutes. C'est-à-dire qu'il arrive à faire prendre le malade pendant 15 minutes. C'est une durée d'activité de 15 minutes. Notez que le temps de demi-vie, c'est le temps nécessaire. Le temps de demi-vie est le temps nécessaire pour que la moitié de la dose administrée, soit éliminée. Vous notez que T1/2 c'est égal à Q sur 2. Temps nécessaire pour que la moitié de la dose administrée soit éliminée. Ça va sous-entendre que T1/2 est égal à Q sur 2. Le temps de demi-vie de la première part, le temps de demi-vie permet de calculer le temps nécessaire. C'est le débit de perfusion qui a commandé le premier. est régi par le délit de perfusion au niveau des organes nobles. Au niveau du cerveau, donc est régi par le débit de perfusion au niveau de l'organe noble ou des organes nobles, entre parenthèses, le cerveau. Réponse thérapeutique qui dure que 15 minutes. Et distribué secondairement au niveau du tissu adipeux, et distribué secondairement au niveau du tissu adipeux, son temps de vie est de 100 heures. C'est pas en train d'écrire, c'est déjà de. C'est-à-dire qu'il va rester 100 heures de temps. Pour que la moitié de la quantité au niveau du tissu adipeux soit éliminée, je crée 100 heures. Là, la distribution est régie par quoi ? Par la solubilité. Il est liposoluble. C'est plus le débit de la fusion. Le total résume a été emmené par le débit de perfusion au niveau d'un cycle. Il a trouvé ses récepteurs, mais ce n'est pas un endroit où il doit rester longtemps. D'accord ? Il a trouvé des récepteurs, il a produit un effet, mais il est rappelé ailleurs. Il est rappelé par quoi ? Par sa solubilité, par sa liposolubilité au niveau, parce qu'il est encore, il y a un débit de perfusion. D'accord ? Qui va l'emmener au niveau du tissu adipeux. Il est dans le tissu adipeux, il va rester longtemps, sans pour autant provoquer ou induire une réponse. On est bien d'accord sur ça ? Je vous pose une question qui demande de l'intelligence, parce que vous allez me dire, monsieur, au niveau du tissu adipeux, donc on termine avec cette question, au niveau du tissu adipeux, le médicament va ressortir. On est bien d'accord. Il ressort. Il repasse dans le sang et il repasse dans le cerveau. C'est le temps nécessaire que pour que la moitié soit éliminée des trucs. Avec des quantités faibles. Il sera, mais il va passer dans le cerveau. Si vous prenez maintenant, vous avez touché du doigt, parce que je voulais la question, si vous prenez, si je veux un effet anesthésiant avec ce malade, je suis obligé à donner ce médicament par voie intraveineuse directe, c'est-à-dire en bolus. Si je prends le même malade, je lui donne la même dose par voie intraveineuse, d'accord ? Mais je ne lui donne pas en IVD, je lui donne en IVP, en perfusion. Le malade ne va jamais dormir. Pourquoi ? Évitez, je connais. Réfléchissez et faites-moi une phrase. Une phrase complète. Avec un raisonnement. Si je prends, je donne la même dose de malade, sauf que je ne la donne pas en bolus, en direct, il reçoit la même dose en perfusion. Au lieu de la recevoir en 1 minute ou 30 secondes, il va la recevoir en 15 minutes. La même dose en 15 minutes. Et le malade ne va jamais dormir. Et la concentration, les sujets verts. Pour l'anesthésie, il ne sera pas anesthésié. Il sera toujours réveillé. Pourquoi ? Allez-y. Parce que la première distribution dans le cerveau dépend des élections nerveuses. Parce qu'on n'injecte pas en bourrisse, la petite quantité va se diriger comme ça. C'est demi-cuillère. Il y a de la distribution, je peux mettre en train. C'est pas pour mettre le temps de demi. C'est la durée d'action qui sera dépassée, donc. S'il vous plaît, le phénomène. C'est pas pour ce que vous dites, c'est de votre camarade. C'est un seuil. C'est le seuil, c'est les Cmax. C'est le seuil d'efficacité. On va faire des dessins, Claudel. D'accord ? C'est la meilleure façon. En supposant que c'est des récepteurs. D'accord ? La première fois, quand je vous ai dit qu'on a injecté en bolus, on va saturer brutalement tous les récepteurs, et on a, ce que vous avez dit, et automatiquement, on a un effet anesthésion. Et au fur et à mesure que certains récepteurs libèrent le médicament, il y a la levée de l'anesthésie. Le malade se réveille. Dans ce cas, en perfusion, quand je fais des perfusions, qu'est-ce qui se passe? Il y a pas saturation des récepteurs. Je donne, les médicaments arrivent, au fur et à mesure, quand les autres commencent à arriver, les premiers vont quitter le récepteur de par leur redistribution. Et de ce fait, on n'atteindra jamais un seuil d'efficacité pour faire dormir le malade. C'est le même, c'est la réflexion que je vous ai donnée initialement, même si le médicament au niveau du tissu adipeux est relargué, parce qu'il y a un relargage, il se retrouve dans le sang, il va passer au niveau du cerveau, il passera, mais il n'atteindra jamais un seuil efficace pour que le malade va se réendormir une deuxième fois. Est-ce que c'est d'accord ? Ah, c'est bon ? Bon, je vous informe que vous n'aurez pas cours avec moi le jeudi et le dimanche. Je suis appelé à toute fonction. Je suis absent, j'ai un congrès à l'étranger, je pars. يا الله كل يوم راح تسوي سيف